un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll s'entretient avec Jean d'Ormesson, une émission enregistrée en 2014. Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Ce soir, presque rien sur presque tout. L'œil bleu lagon qui frise, pieds nus dans ses mocassins, le nez de guingois, le teint invariablement hâlé, amoureux des livres, des femmes et des bains de mer, il manie coquetterie et espièglerie avec dextérité. Ainsi, Arnaud Ramsay décrit-il l'invité d'Avoinu cette semaine dans la biographie qu'il lui a consacrée aux éditions du Toucan. Tout le monde aura reconnu Jean d'Ormesson. Bonjour Jean d'Ormesson. Bonjour. Est-ce que vous retrouvez en général dans ce qu'on écrit de vous ? Je dois vous dire que j'hésite beaucoup à lire ces livres. Ça me gêne un peu. J'ai l'impression que on a un pied dans la tombe quand on lit une biographie sur vous. Vous bénéficiez malgré tout d'une grande indulgence, non ? Oui, je bénéficie d'une grande indulgence. Je viens de lire un article dans un journal communiste qui est la Marseillaise. Et le compte-rendu de mon dernier livre est ce que je pouvais rêver de mieux. Quelle est la pire chose qu'on a écrite sur vous ? Oh, on a écrit des choses terribles. Je m'en rappelle. La pire et la plus juste en même temps. Ah oui, mais peut-être que... Je n'exclus pas que la pire soit la plus juste. Je ne l'exclus pas. Je me rappelle Rinaldi. Angelo Rinaldi. Angelo oui. Rinaldi, mon confrère et ami maintenant à l'Académie. Française. Alors, Rinaldi de moi avait dit, on me dit, c'était déjà il y a quelques années, on me dit que Jean d'Ormesson a un public de lecteurs très étendu. C'est bien possible. Mettons que ce soit un homme du monde aux dimensions nationales et n'en parlons plus. Vous n'en avez pas marre, Jean d'Ormesson, qu'on vous présente comme l'écrivain du bonheur. Ça ne fait pas un peu ravi de la crèche, hein ? Mais comment ? Ça m'épouvantait. Ça m'a épouvanté beaucoup. Surtout que il y avait quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, même d'affection un peu lointaine, qui était la comtesse de Paris, qui écrivait un livre, « Tous mes bonheurs ». Et alors, évidemment, je me disais, il y a deux écrivains du bonheur, c'est la comtesse de Paris et moi. Ça me troublait un peu. Ce qui est intéressant, c'est que mon dernier livre, un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, beaucoup de critiques ont dit que c'était un livre crépusculaire et un testament. Alors vous voyez, ça c'est quand même très, très élogieux. Si mon spectre littéraire va de l'écrivain du bonheur à l'écrivain crépusculaire, c'est vraiment que je couvre l'ensemble du spectre littéraire. Moi, je prétends que ce livre, qui parle un peu de la mort, est un livre en même temps très gai. Et j'ai toujours été assez gai dans mes livres. Mais c'est vrai que si on prend un écrivain aujourd'hui connu, qui est respecté par la critique, Michel Houellebecq, lui, c'est le versant nord, ah oui, glacé, c'est l'ombre, et vous, c'est le soleil. C'est l'opposé. Évidemment, c'est l'opposé. Ça finit par tisser, je me vante un peu encore, ça finit par tisser les liens entre nous. C'est l'opposé exact. C'est l'opposé exact. Vous trouvez que la littérature française déprime ? Je vais vous répondre en citant quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui je dois beaucoup, qui est Bernard Pivot, qui m'a dit un jour, tu as quand même de la chance, d'avoir l'âge que tu as à notre époque. Si tu avais eu 60 ou 70 ans en 1930, personne n'aurait parlé de toi. Personne n'aurait parlé de toi. Il y avait Valéry, Gide, Proust. Proust était mort. Mais enfin, au début du siècle, il y avait Proust, Valéry, Gide. Tout à fait au début du siècle, Péguy, Martin Dugard, Aragon, Morand, Mauriac, Monterland. Enfin, non, je t'ai plus. Il y avait 150 personnes, c'est pas 150, mais il y avait certainement 50 grands écrivains, et en tout cas 20 écrivains du premier rang. J'aurais pas compté du tout. Aujourd'hui, comment dire, la concurrence est moins forte. Alors vous avez l'habitude de répéter cette phrase que vous aimez beaucoup, Jean d'Ormesson, « Pour la modestie, je ne crains personne. » Vous savez, je crois que c'est une formule d'un cardinal espagnol au XVIe siècle qui m'avait beaucoup plu. Pour la modestie, je ne crains personne. Et quand vous vous comparez aux écrivains vivants, aux écrivains de votre génération, qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, je n'ai aucune réserve. Il y a des écrivains que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Modiano est un merveilleux écrivain. J'aime beaucoup Déon. Qui écrit des livres merveilleux. J'aime beaucoup un écrivain comme Quignard. Je regrette beaucoup que Quignard ne soit pas à l'Académie. Quignard mérite largement l'Académie. Il y a beaucoup d'écrivains. Claude Lanzmann. Donc, il y a vraiment des gens. Il n'y a pas cette efflorescence qu'il y avait au début du siècle. Ce qu'on peut dire de plus simple, c'est que quand j'avais 10 ans, ou quand j'avais 5 ans, le flot des traductions était d'Europe vers l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est effrayant, l'inversion. Les flots de traductions sont d'Amérique en Europe. C'est très rare qu'un écrivain français, ou d'ailleurs un écrivain européen, soit publié un romancier soit publié en Amérique, alors que les romans américains sont innombrables et qu'il y a des romans africains excellents, des romans sud-américains que j'admire beaucoup, des romans japonais sans nom, naturellement Mishima, mais quelqu'un comme Inoue. Je ne sais pas si vous vous rappelez Inoue, des livres comme Le fusil de chasse, c'est un livre magnifique, ou le loup bleu ou le loup blanc, qui est une biographie de Gengis Khan, c'est des livres magnifiques, magnifiques. Donc, il est bien clair que la France a perdu. La langue française a perdu la place dominante qu'elle avait il y a 100 ans. Et ça s'est passé en une semaine. En une semaine de mai 40. Nous ne sommes jamais revenus là-dessus. La grandeur du général de Gaulle, c'est d'avoir forcé la France à reprendre sa place dans le concert des nations, comme on disait, mais le coup a quand même été très très dur. Nous avons été indissolublement écrasés et remis dans le camp des vainqueurs par le seul général de Gaulle. Ce qui vous a toujours caractérisé, hein, Jean d'Ormesson, c'est votre répugnance à parler de vos bleus à l'âme, vos petits et grands bobos. Et pour la première fois cette année, on vous a entendu évoquer publiquement votre maladie. Oui, je vais vous dire, il y a une formule de Vauvenargues, je crois, que j'aime beaucoup, c'est « Il est indigne des grandes âmes de faire part des troubles qu'elles éprouvent ». Ce n'est pas que je me prenne pour une grande âme, non, pas du tout. Mais je trouve que c'est irritant de parler de soi. Et depuis 6 mois ou 8 mois, j'ai beaucoup parlé de moi parce que, j'ai eu une maladie terrible et j'ai été hospitalisé pendant 8 mois. Et ça a été évidemment assez dur. Et en même temps assez enrichissant. D'abord, parce que j'ai admiré beaucoup encore cette capacité d'admiration qui est si étonnante à notre époque où la dérision l'emporte très loin sur l'admiration. J'aime beaucoup le jeu de la dérision, mais je suis aussi capable d'admiration et j'ai beaucoup admiré le système hospitalier français. J'ai été soigné par des gens admirables. Le professeur Hanoun, mon chirurgien, est un être d'exception, une espèce de géant de la médecine, les grands médecins, aujourd'hui encore des mandarins comme Bernard Debré, le professeur Steg, qui est le fils du grand urologue et qui est un cardiologue, Lyon Kant, Fragide, Jean-Didier Vincent, tous ces grands médecins, c'est des gens pour qui j'ai une admiration sans bord. Est-ce que vous avez vu votre dernière seconde arriver ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, c'est très curieux. Pendant ces 8 mois, j'ai eu une seule idée en tête, guérir. Je n'avais aucune autre idée, guérir. Et alors après, j'ai été très étonné, parce que j'ai vu des amis à moi qui ont été exquis, mais qui m'ont dit, tu sais, on ne donnait pas cher de ta peau. Ah bon ? Oui, je crois qu'ils m'ont vu disparaître. Vous avez peur de la mort ? Non, pas du tout. Je crois que dans mon livre, je dis j'attends ma mort sans impatience, mais avec une humble espérance. Voilà, c'est ça. Un de mes thèmes favoris, vous savez, c'est... je ne sais pas si on abordera ce problème, pour dire les choses très vite, je n'ai pas une foi très ancrée. J'ai beaucoup de doutes quand je me présente comme un catholique agnostique. Quand je vois que Mère Teresa a eu sans cesse des doutes dans sa vie, ça me rassure. Donc, ce que j'admire le plus chez les gens, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu et qui font du bien aux autres. Je me dis que s'il y a quelqu'un qu'on mettra à la droite de Dieu, c'est un athée qui a fait du bien aux autres. Pourquoi ils font du bien aux autres ? Si nous le faisons, ce n'est pas uniquement parce que nous croyons qu'il y a un autre monde. Mais quand même, on se dit, si je me conduis bien, j'ai une chance d'entrer dans la vie éternelle. C'est évidemment éclatant dans l'islam, encore bien plus que chez les chrétiens. Mais enfin, même les chrétiens, ils pensent à la vie éternelle. Un athée n'a aucune récompense, aucune, et il fait du bien. À la droite de Dieu, il y aura un athée. Et les gens que j'admire le plus, c'est les gens de gauche qui ne croient pas à Dieu. Je ne sais pas, il y a des noms qui viennent à l'esprit, des gens que j'admire éperdument, comme... Olivier Lyon Kant ou Jean-Didier Vincent, qui sont ouvertement athées et qui sont toujours prêts à soigner les autres. Voilà, c'est ça. Vous savez, je crois que peut-être on a compris que j'étais bourré de contradictions. Je suis une espèce de gaulliste européen. Je suis un homme de droite qui croit fondamentalement à l'égalité des gens, un catholique agnostique et un homme de droite qui se sent quelquefois très proche des gens de gauche. Et un grand vivant qui n'a pas peur de la mort. Non, j'ai pas peur de la mort, non. Vous savez, mourir ne doit pas être gai, hein. Ça ne doit pas être gai. J'ai pas l'impression d'avoir été aux portes de la mort. Mais j'ai eu des nuits très, très, très, très dures. J'ai eu, à la suite du traitement et à la suite des anesthésies, des choses un peu étranges qui sont des hallucinations. Vous savez, quand Michaud ou les surréalistes prenaient des drogues, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et j'étais dans ma chambre d'hôpital, les yeux ouverts, comme je suis maintenant. Et je disais à ma femme ou à mes amis qui étaient là, écoutez, quand même, dites un mot à Hollande. Hollande s'est déplacé pour moi, remerciez-le. Alors on m'expliquait que Hollande n'était pas là. Et puis je disais à l'ambassadeur d'Allemagne, je viens de voir un film très intéressant avec l'ambassadeur d'Allemagne. Je racontais le film. Ni le film, ni l'ambassadeur d'Allemagne n'avaient jamais existé, naturellement. À un moment donné, j'ai dit à mon infirmière, maintenant, il faut que je m'habille, il faut que j'aille au Sorbonne. Il faut que j'aille faire un cours sur Spinoza. Et alors, je pars pour la Sorbonne. Je prononce quelques paroles, je pense que c'est 3 minutes, j'ai l'impression que c'est 1 heure, sur Spinoza. Je dis à mon infirmière, est-ce que mes auditeurs ont été étonnés ? Oh oui, monsieur, très étonné, elle me dit. Et je lui dis, maintenant, je voudrais retourner dans ma chambre. Et elle me dit, mais vous y êtes. Alors, vous savez, c'est un espèce de... J'ai eu un choc parce que cette existence fausse avait exactement les caractéristiques de la vraie. Je ne savais pas laquelle était la vraie et laquelle était la fausse. Ça, c'est quand même des souvenirs. C'est la littérature, ça. Mais oui, c'est très proche de la littérature. C'est très proche de la littérature. Dans mon dernier livre, un jour, sans en avoir tout dit, il y a un personnage qui est un bouddhiste qui va devenir communiste, qui va devenir gaulliste et qui va faire une très grosse fortune dans les 30 glorieuses. Et plusieurs personnes m'ont écrit en disant, je n'appelle pas Marc Carpeau, et plusieurs personnes m'ont écrit en disant, je crois que j'ai rencontré pas Marc Carpeau, j'aimerais bien le retrouver, est-ce que vous avez ses coordonnées? J'ai dit, je ne peux pas vous donner ses coordonnées, je l'ai entièrement inventé. Si vous pouviez choisir, décider du scénario de votre mort, ça ressemblerait à quoi? Mon Dieu, j'aimerais, vous savez... Ça aussi, c'est bien intéressant. Quelquefois, je me dis, comme beaucoup de gens, j'aimerais mourir sans m'en rendre compte. Et vous savez que ma grand-mère, faisait une prière pour éviter la mort subite. Pour éviter la mort subite. Pourquoi ? Mais pour se préparer. Pour se préparer. L'idée que nous puissions nous préparer à la mort dans nos derniers moments, c'est quelque chose qui nous est devenu assez étranger, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes ennuyé dans la vie ? En réalité, non, je m'ennuie assez peu. Ce qui est vrai, c'est que j'ai passé pour être très mondain et j'ai eu une époque où j'ai été, en effet, assez mondain. J'étais ami des Agnelli. J'ai eu beaucoup d'admiration pour un type comme Agnelli, qui était évidemment très intelligent, très playboy, qui avait toutes les femmes derrière lui. Quelle est la tentation à laquelle vous avez le plus cédé ? Oh ben c'est celle-là. Quand j'étais jeune, vraiment, j'aimais beaucoup les chemises, les souliers, les voitures avec des longs capots. J'en ai quelques restes. Il y a une Mercedes. Là, qui a votre 30... fameux coupé elle Mercedes. Ans, oui. Elle a 30 ans. Mais elle marche très bien parce qu'elle n'a pas d'électronique. Donc elle marche. Et évidemment, maintenant, ça me paraît un peu superficiel. J'ai beaucoup été en Italie pour acheter des paires de chaussures chez un bottier qui s'appelait Gatto, qui était le fournisseur du roi d'Italie et qui faisait des souliers formidables. Alors maintenant, ça me fait rire. Et pendant que j'allais à Rome... J'achetais les souliers, mais j'allais voir aussi le forum, et l'idée d'écrire au plaisir de Dieu m'est venue en partie à Rome, devant une église qui s'appelle San Giovanni a Porta Latina. Et San Giovanni a Porta Latina est le patron des typographes. C'est le patron des typographes. Et à côté, il y a un baptistère. Et il y a sur le linteau une inscription française « Au plaisir de Dieu ». C'est là que j'ai trouvé, parce que j'achetais des chaussures chez Gatto, que j'ai trouvé le titre de mon livre « Au plaisir de Dieu ». Mais s'il y a une ville qui vous ressemble, c'est davantage Venise, non ? Oui, j'ai beaucoup aimé Venise. J'ai beaucoup aimé Rome, vous savez. J'ai aimé Rome beaucoup. Vous vous rappelez vacances romaines ? Il y avait Audrey Byrne. Et lui, c'était Gregory Peck. Et elle a une aventure avec lui. Et en même temps, elle fait ses devoirs de princesse. Et les journalistes lui disent, quelle est la plus belle ville d'Italie ? Et elle dit, toutes les villes d'Italie sont admirables, merveilleuses. Et puis elle se rappelle, Gregory Peck, elle dit, Rome, definitely Rome. Alors j'ai beaucoup aimé Rome. Et évidemment, j'ai beaucoup aimé Venise. Il y a eu quand même une espèce de... charme italien et de beauté, cette inexplicable beauté. Il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, ni la vérité. Vous savez, quand on réfléchit à la vérité, on voit qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. À la fin du 19e siècle, un grand savant qui s'appelle Berthelot, qui était un parent du Berthelot des affaires étrangères, qui dit « la science est arrivée au bout ». Et un grand savant anglais qui s'appelait Lord Kevin, qui dit « nous ne découvrirons plus rien ». 20 ans après, c'était Einstein, la relativité, le quantique, Hubble, l'univers, le Big Bang, enfin, une révolution formidable. Et il faut bien se dire que nous qui admirons tellement Einstein, Hubble, Freud, nous aurons aussi un moment où Einstein, Freud et Hubble apparaîtront comme Ptolémée ou tous ces astronomes du passé qui ont été dépassés. Naturellement, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Et on peut se demander, quand nos ancêtres étaient en Afrique, est-ce que l'idée de vérité avait un sens pour eux ? Aucun sens pour eux. Et j'ai vu hier Reeves, et il a eu une formule formidable. Et il a dit, c'est bien intéressant de se demander si 2 et 2 faisaient déjà 4, quand il n'y avait personne pour le penser. Il y a des formules comme ça, on me reproche des formules, c'est parce que les gens disent les choses merveilleusement, la formule de Reeves est magnifique. Est-ce que 2 et 2 faisaient déjà 4 quand il n'y avait personne pour le penser? Ou cette formule de Jankélévitch que j'ai tellement aimé, j'ai beaucoup aimé Jankélévitch, j'ai beaucoup aimé mes maîtres en général. Et la formule de Jankélévitch était « la vie est éphémère ». Mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est un fait éternel. Vous savez, vous pouvez réfléchir là-dessus. Les gens de droite sont souvent pessimistes. Ils sont pas loin de penser que le pire est toujours certain. Oui. Vous, au contraire, semblez être un inguérissable optimiste. Je suis terriblement optimiste. Et par exemple, je suis... C'est bien intéressant ce que vous dites. Si on avait le temps, on pourrait parler de l'idée de progrès. L'idée de progrès est une idée de gauche. Ça vient avec les Lumières, ça vient avec Voltaire, Diderot, Victor Hugo. Le mot qui revient le plus souvent dans Victor Hugo, c'est l'aurore. Marx, les lendemains qui chantent. Le progrès, c'est à gauche. Et mes arrière-grands-parents se méfient horriblement du progrès. Eh bien, aujourd'hui, on voit que le progrès n'est plus une idée de gauche. Les écologistes et les verts se méfient du progrès. Et le progrès peut être récupéré par une partie de la droite. C'est curieux, hein, ça, comme aventure. Et moi, je crois encore au progrès. Je pense que, par exemple, on dit la violence. Eh bien, je crois que la violence qui est si forte aujourd'hui... parce que, notamment, nous la connaissons par les médias, est bien moins forte que jadis. Et même la dernière guerre, qui a fait peut-être 100 millions de morts, quelque chose comme 100 millions de morts, en comptant les gulags, les camps de concentration, Auschwitz, il y a des études qui ont montré que, proportionnellement à la population, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, et peut-être la guerre du Péloponnèse, dont parle Thucydide, chère à Madame de Romy, était plus meurtrière que la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous avez 100 millions de morts, mais nous sommes 7 milliards sur la planète. En Grèce, ils étaient peut-être 2 ou 3 millions, et ils ont eu peut-être la moitié de la population qui est morte. Le siècle de Périclès, qui nous paraît comme le printemps de l'humanité, c'est pas avec Sophocle, Échille, tous ces génies incroyables. C'était sans cesse. Athènes était assiégée par Sparte et finira par tomber. La violence décroît dans le monde. Mais est-ce que ce n'est pas cette mémoire longue qui nous fait défaut aujourd'hui ? Mais comment ? Il y a 2 choses qui nous font défaut. Et peut-être que c'est lié. D'une part, la mémoire longue, nous oublions l'histoire. Et d'autre part, l'espérance en l'avenir. C'est incroyable comme on n'espère plus rien maintenant, notamment en France. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré que les Français étaient plus pessimistes que les Afghans et que les Irakiens. Alors vraiment, le monde est pessimiste, mais à l'intérieur du monde, l'Europe est pessimiste. Évidemment, elle n'occupe plus la place qu'elle occupait jadis. Et à l'intérieur de l'Europe, les Français sont extrêmement pessimistes. Il faut réapprendre à se souvenir du passé et à espérer en l'avenir. Plutôt que l'écrivain du bonheur, ne seriez-vous pas donc l'écrivain de l'espérance ? C'est ça que vous aimeriez que la postérité retienne ? Oui, absolument. Vous savez, j'étais passé dans une émission de Bunel, la grande librairie, avec quelqu'un pour qui j'ai une grande affection et beaucoup d'admiration, qui est Trinh Tuan Tuan, l'astronome. Et il y avait là aussi des amis à moi comme Pontalis. Et j'avais dit sous les ricanements de tout le monde que j'étais en réalité un mélancolique gai. Mais c'est vrai qu'une de mes caractéristiques, c'est, à côté de cette mélancolie, c'est l'espérance. Et peut-être derrière l'espérance, il y a quelque chose en quoi je crois beaucoup, et qui est l'amour. C'est très difficile de parler de l'amour. L'amour a été tellement mis à toutes les sauces, dans les romans, dans les chansons, dans les pièces de théâtre, au cinéma, qu'on finit par se dire on ne peut plus parler de l'amour. Mais l'amour, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est comme le ciment du monde. La dernière phrase de la Divine Comédie, c'est une phrase magnifique. La mort. Che muove il sole e le altre stelle. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Dante, c'est-à-dire que Dante avait déjà prévu l'attraction de Newton. Et l'attraction, on peut dire sans exagération que c'est une sorte d'amour, que les quatre forces, les fameuses quatre forces, nucléaire forte, nucléaire faible, les quatre forces de la physique, c'est une forme d'amour. Le monde tient par une gravitation, par des choses qui... C'est très frappant. Par un système qui est réglé tellement étroitement que si vous changez un degré ou un millimètre, tout s'écroule. C'est quand même très difficile de penser que le hasard est seul à avoir fait cet équilibre aussi si précieux, si ajusté, et qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à l'amour. Et l'amour physique est peut-être à cet amour cosmique ce qu'est le temps à l'éternité. Il y a un peu d'éternité dans le temps qui passe. Il y a un peu d'éternité. La formule fameuse de Platon, le temps, c'est l'image mobile de l'éternité. Eh bien, cette éternité, cette force qui tient les choses ensemble, ce qui jette les gens les uns vers les autres, ce qui fait tourner les étoiles, c'est quand même quelque chose qui ressemble à l'amour. À voix nue, fin de cette rencontre de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Anne de Pelchin, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Jean d'Ormesson, lue par Philippe Morier-Genoux dans un feuilleton réalisé par Baptiste Guiton. pages arrachées à Jean d'Ormesson avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balul. Cinquième partie, Dieu. Il n'y avait rien. Et ce rien était le tout. Le tout et le rien se mêlaient l'un à l'autre et se confondaient l'un avec l'autre. Il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait pas de nuages. Il n'y avait ni arbres, ni ruisseaux, ni coccinelles, ni guerriers. Il n'y avait pas de paroles, ni de rêves. Il n'y avait pas de formes. Il n'y avait pas de couleurs. Et il n'y avait pas de musique. Il n'y avait même pas de sphère, ni de passé, ni d'avenir. Et il n'y avait pas de nombre. Il n'y avait rien. Pour donner une idée de ce rien qui était le tout, il faudrait une nuit obscure, un silence complet, un vide absolu. Quelque chose comme une page blanche, où la page est le blanc, et bien sûr l'œil pour les voir, serait encore de trop. Une nuit, un silence, un vide. Ne parlons même pas de la page blanche. Ne peuvent donner qu'une idée très imparfaite du néant avant l'univers et avant le mur de Planck. Supprimer les êtres vivants, les choses, le soleil et la lune, les étoiles, jusqu'aux couleurs et aux sons, jusqu'à l'air qu'on respire, jusqu'aux ondes et aux atomes. Faites le vide et le noir, sans la moindre lueur et sans le moindre bruit. Il restera toujours quelque chose. Il restera l'espace, et ce fantôme sans chair et sans os, sans la moindre présence, et pourtant implacable, que nous appelons le temps. Avant le monde et son train, il n'y avait pas d'espace, et il n'y avait pas de temps. Il y avait bien quelque chose, c'était l'éternité. L'éternité se confondait avec le tout et avec le rien. Il y a 14 milliards d'années, un peu plus, un peu moins, une explosion se produit. C'est notre bon vieux Big Bang, où commence tout ce que nous sommes. En surgit quelque chose d'indicible et de minuscule, à une température et d'une densité qui défient l'imagination. À partir de cette pointe d'épingle, des milliards de fois plus petite qu'un grain de sable ou de poussière, l'espace sort du néant. Il n'en sort pas immuable, ni armé de pied en cap. Il entre par une petite porte et à pas mesurés dans une phase d'expansion qui se poursuit encore aujourd'hui. Inséparable de l'espace, le temps se met à couler. En naissent les étoiles, les galaxies, le soleil et la lune, la terre, la guerre du feu, les pyramides d'Égypte, la chute de Troie, l'acropole d'Athènes, la grande muraille de Chine, les confessions de Saint-Augustin, le songe de Saint-Ursule par Carpaccio et le songe de Constantin par Piero della Francesca, la cantate du café de Bach et la vie parisienne d'Offenbach. J'écris ces mots et vous les lisez. Le monde s'est mis en marche. Que s'est-il donc passé? Depuis ses origines, l'univers fonctionne à coup de hasard et de nécessité. Depuis quelques millénaires, les hommes, qui sont des créatures étonnantes, nés de ces hasards et de cette nécessité, avec des pensées, des souvenirs et des projets, essaient de comprendre cet univers. Ils se sont d'abord imaginés que des forces magiques se cachaient derrière les choses. Ils ont cru ensuite à une foule de déesses et de dieux, qui vivaient au-dessus d'eux et qui décidaient de tout. ils ont fini par adorer un Dieu unique et tout-puissant qui régnait sur le monde. Plus tard encore, un peu partout, beaucoup ne croient plus à ces légendes d'en haut, si longtemps caressées. Ils espèrent que la science parviendra un jour dans un avenir lointain à tout expliquer de ce monde invraisemblable dans lequel, sans le vouloir, nous avons tous été jetés et qu'elle suffira à répondre à toutes les questions que nous sommes en droit de poser. Depuis 3000 ans, et surtout depuis un peu plus d'un siècle, de notre vivant ou du vivant de nos parents, la science a découvert que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, que sur la Terre, comme dans le ciel, tous les objets sans exception s'attiraient les uns les autres, que les galaxies se dispersaient dans l'espace, que l'univers était en expansion, et qu'avant d'avoir une fin inéluctable, au loin, il avait eu un début. Un mystère profond entoure pourtant cette fin, et peut-être plus encore ce début. Comment était-on passé du rien à ce que nous appelons notre tout, de l'éternité à notre temps, et du néant à ce monde, toujours en train de se développer et de courir vers son terme? Dieu est peut-être esprit, et il est peut-être volonté. Il est surtout autre chose que tout ce que nous pouvons connaître. Impossible aux hommes, prisonniers de l'espace et du temps, de le comprendre, ni de l'imaginer, ni même de le concevoir. Dieu, bien entendu, n'est ni un homme ni une femme, ni un blanc ni un noir, ni un rouge ni un jaune, ni un vieillard ni un enfant. Il n'est pas un fantôme. Il n'est pas une apparition. Il n'est sûrement pas un miracle. Le miracle, ce n'est pas lui, ce sont ses créatures. Il n'est pas un éclair, il n'est pas un trait de lumière, il n'est ni une ombre ni une forêt obscure. Dieu ne peut pas être exprimé par les mots dont nous nous servons sur ce grain de poussière minuscule, perdu dans le gigantesque univers où nous avons surgi. Dieu sait pourquoi. L'esprit de Dieu n'a rien de commun avec ce que nous appelons esprit. La volonté de Dieu n'a rien de commun avec ce que nous appelons volonté. Nous ne pouvons parler de Dieu que par analogie. La parole de Dieu, qui va tant nous occuper, n'est qu'une figure de style et une analogie. Si Dieu était quelque chose, ce qu'il n'est pas, il serait plutôt un silence et une absence d'une densité infinie, ou une idée pure et sans bornes qui ne renverrait qu'à elle-même, ou une équation mathématique, dotée comme par enchantement d'une formidable énergie et d'un feu intérieur, d'où surgirait toute chose. Dans l'une au moins des trois religions du livre et du monothéisme, le christianisme auquel j'appartiens, les peintres, les sculpteurs, les philosophes, les poètes n'ont jamais hésité à représenter un Dieu qui était pure absence et qu'ils appelaient Dieu le Père. Comme Michel-Ange ou Raphaël, comme la Bible ou la Torah, je me permettrai moi aussi, avec humilité et audace, de faire apparaître et parler à un Dieu dont nous savons tous très bien qu'il n'était et qu'il n'est que silence et absence. Le temps est la marque de fabrique laissée par Dieu sur l'univers. Il naît dans la première fraction infinitésimale de notre longue aventure. Il se jette sur le monde dans l'explosion primordiale à laquelle, pour rire, nous avons donné le nom de Big Bang. Impossible de mieux marquer ce qu'il y a d'immense et de dérisoire dans notre réalité, qui est mouvement et croissance, qui est progrès et déclin. Dès le premier instant si triomphal, la fin est déjà inscrite. Parce que toute chose commence avec le temps meurtrier. La naissance de ce tout qui nous paraît éternel, avec son soleil et sa lune, avec ses étoiles, avec ses jours et ses nuits qui se succèdent sans se lasser, avec sa longue histoire, avec ses drames et ses bonheurs, n'est rien d'autre que l'annonce de sa mort. Dieu lâche le temps sur le monde pour le créer et le détruire. Alpha et Oméga, Vishnu et Shiva, Le début appelle la fin. La mort est l'autre nom de la vie. Comme la naissance de chacun d'entre nous, la première fraction de seconde de cet univers encore tout neuf est déjà lourde de sa disparition. Jailli du néant, le monde, plongé dans le temps, est dès son origine un retour au néant. Tout à fait au début, le monde n'est presque rien. Et tout à fait au début, il est déjà immense par sa température et par sa densité. Il était difficile à Dieu de mieux montrer d'un seul coup et avec plus d'éclat ce que serait la matière, l'histoire, la vie, la pensée. À la fois rien et tout, un torrent de grandeur et de fragilité. Dans la première fraction de seconde de l'univers, la totalité de l'histoire du monde est déjà au travail. Il n'y a plus qu'à laisser faire le temps, faire et défaire son œuvre. Dieu peut se retirer dans son néant infini. Le temps qui n'était pas encore et qui règne déjà suffit à le remplacer ici-bas. Il ne le remplace pas tout seul. Indissoluble du temps, l'espace naît lui aussi de l'explosion primitive. À eux deux, mais différemment, ils sont la petite monnaie et les héritiers de Dieu, impatients de disparaître derrière sa création. Dans le néant infini de Dieu, comme dans le néant de la mort pour chacun d'entre nous, il n'y avait ni espace ni temps. Le coup de génie de Dieu est d'avoir créé l'espace et d'avoir créé le temps. L'espace, comme chacun d'entre nous, surgit minuscule et rêveur de l'infini du rien. C'est la pointe d'épingle très dense et très chaude dont on nous rebat les oreilles. Une poussière, un grain de matière appelé à croître et à se développer. La science nous apprend que l'espace, né avec et dans le Big Bang, est depuis 13 milliards 700 millions d'années en expansion accélérée. Pour toujours ? Personne ne le sait. Il n'est pas impossible que le mouvement s'inverse et qu'une phase de contraction succède à la phase d'expansion. La science d'aujourd'hui incline pourtant plutôt vers une expansion continue qui s'achèverait au loin dans une dissolution glaciale et non dans un retour à la fournaise primitive. Inséparable de l'espace, le temps, lui, coule, immuable et universel, toujours semblable à lui-même, et il s'accumule. Nous savons à peu près ce qu'est l'espace. Ordre de la coexistence et de notre puissance avec ses trois dimensions, et peut-être beaucoup d'autres, enroulés et cachés, invisibles à nos yeux. Nous ignorons ce qu'est le temps, ordre de la succession et de notre impuissance, dont l'univers entier et nous-mêmes subissons les effets, et dont les physiciens assurent qu'il n'existe peut-être même pas. Autant l'avouer tout de suite, avec un espace si simple, et si obscur, avec un temps si évident, si complexe et si improbable, nous vivons en plein mystère. Dieu, aujourd'hui, reste pour nous un mystère. Quant au mystère de l'espace et du temps, toujours en train, l'un et l'autre, de se dilater et de s'accroître, nous nous sommes si bien habitués à eux qu'ils nous semblent familiers et d'une transparence à la fois terrifiante et tout à fait confortable. En dépit de la formule célèbre d'Einstein, « Dieu ne joue pas au dé », Dieu est un joueur qui n'en finit jamais de donner des preuves de son faible pour le hasard. Régi par les lois implacables de la nécessité, l'histoire universelle est aussi simultanément et indissolublement un grand jeu de hasard, où tout ce qui paraîtra inéluctable dans le passé aura été d'abord imprévisible dans l'avenir. Le plus souvent opposés l'un à l'autre, le hasard et la nécessité sont étroitement liés. On dirait que le hasard est l'agent secret de la nécessité et que l'un et l'autre sont au service de Dieu. Dans le grand jeu de l'univers, à l'image indéfiniment répétée de l'explosion primitive, à l'image aussi de l'origine de la vie et même d'une certaine façon de l'origine de chacun d'entre nous, des flots de nécessité sortent de hasard minuscule. Comme dans n'importe quel jeu, il y a dans le jeu de l'histoire, avant et après la vie et la pensée, des gagnants et des perdants, des vainqueurs et des vaincus. Les hommes attribuent souvent les hasards qui ont décidé de leur destin à ce qu'ils appellent leur étoile. Il n'y a pas de grande figure, de conquérant, de découvreur, d'inventeur, de créateur qui n'ait pas au moins une fois dans sa vie été servi par le hasard. Une rencontre, une occasion, une situation passagère à saisir par les cheveux. Les Grecs anciens honorait un petit dieu appelé Kairos, qui veillait sur l'instant opportun, sur le moment précis où il fallait s'emparer de l'avenir. L'empereur Napoléon, qui plus que personne croyait à son étoile, avait l'habitude de demander à l'officier à qui il avait l'intention de confier un commandement s'il était heureux, c'est-à-dire s'il avait de la chance. Chacun d'entre nous a eu au moins une chance, celle d'être né. Comme toutes les chances, cette chance originelle aussi peut se retourner. Pour des raisons différentes et à peu près innombrables, l'argent, l'amour, la santé, l'orgueil, la vanité, toutes les passions des plus hautes aux plus basses, tous les froissements de l'esprit et du corps, il y a des gens malheureux. Beaucoup maudissent le hasard qui les a fait sortir de ce néant où personne ne souffre jamais. Les enfants que je n'ai pas eus, disait Cioran, ne savent pas tout ce qu'ils me doivent. Et déjà, l'Ecclésiaste, j'ai préféré l'état des morts à celui des vivants, et j'ai estimé plus heureux celui qui n'est pas né encore et n'a pas vu les maux qui sont sous le soleil. Il y a d'abord le soleil. Il règne. Il est là. Nous ne vivons que par lui. Il est l'inverse trompeur du néant. Trompeur parce qu'il ne fait que camoufler le néant auquel, lui non plus, au bout du chemin, il ne réussira pas à échapper. Valéry le dit très bien. Soleil, soleil, faute éclatante. Toi qui masques la mort, soleil, tu gardes les cœurs de connaître que l'univers n'est qu'un défaut dans la pureté du non-être. Au sud de la France, sur un cadran solaire, en occitan ou dans un dialecte latin, sine soleo, sileo. Sans le soleil, je me tais. Quand il se couche, nous nous couchons. Quand il se lève, nous revivons. Nous passons, il demeure. Il est pour nous, mortels, l'image de l'éternité. On est en droit de se dire qu'il est là pour toujours. Et pourtant, comme vous, comme moi, comme nous tous et comme le reste, il passera, lui aussi. Éclatant, gigantesque, source et promesse de vie, divinité dans le ciel, il est le symbole de ce monde, et il n'est presque rien. Il y a des milliards et des milliards d'astres comme lui à travers l'univers. Il n'est devenu le soleil que parce qu'il y a des hommes sur cette terre qu'il éclaire et réchauffe. Quand le soleil disparaîtra, les hommes ne seront plus rien. Mais si les hommes, comme c'est probable, disparaissaient avant lui, le soleil ne serait plus rien qu'une pauvre étoile parmi les autres. Une étoile passagère et une étoile errante. La Terre tourne autour du soleil qui se déplace dans la Voie lactée, notre galaxie, qui ne cesse elle-même de s'éloigner et de plus en plus vite des autres galaxies. depuis que notre tout est sorti du rien, tout bouge à toute allure, partout autour de nous, dans l'espace et dans le temps. Le soleil, en attendant, est la beauté du monde. Le monde est beau parce que le soleil est là. Et il est beau un peu partout, sur la mer, sur le désert, sur les montagnes, sur les fleuves et sur les rivières. Et même, mais il a du mal, sur nos grandes villes et sur les usines dans leurs banlieues. Il est permis de soutenir qu'il n'y aurait pas de beauté, ni dans la nature, ni dans l'art, s'il n'y avait pas de soleil. Ce qu'il y a de mieux dans le soleil, c'est la lumière. Dieu est dans la nature sur le mode de l'absence. Et il est hors de la nature sur le mode de la présence. Dieu est caché partout, mais il règne au-dessus de nous dans ce que notre ignorance appelle le vide, le néant et le rien. Avant que le monde fût monde, et après la fin des temps, le rien et le tout étaient de toute éternité et seront à jamais une seule et même chose. Il n'y a pas de vide, parce que, hors de l'espace et du temps, le vide est plein de Dieu. Et le néant n'existe pas parce qu'il se confond avec Dieu. Puisque rien ne peut sortir de rien, comment l'univers peut-il sortir du néant? La question agite les hommes depuis qu'ils sont capables de penser. Et ils ont inventé 1000 fables et d'innombrables subterfuges pour éviter l'invraisemblable vérité. Dieu tire le monde de rien, c'est-à-dire de lui-même. Il nous est seulement permis de nous raccrocher dans le délire de la raison et dans le désespoir à cette folle espérance. Dieu n'existe pas, mais il est. Il n'est rien d'autre que rien, c'est-à-dire tout. Et il nous envoie de très loin, ou plutôt d'ailleurs, des signes chiffrés et transparents. Son fils, des prophètes, des chefs-d'œuvre improbables et plus grands que les hommes, le temps, la lumière, une beauté déchirante, la vérité, poursuivie d'âge en âge avec obstination et pourtant hors d'atteinte, une justice toujours boiteuse, la fin de tout sans exception et notre mort à tous, qui n'aurait pas le moindre sens si la gloire de Dieu, avant même de régner sur notre tout à nous, qui n'est qu'une parenthèse, un rêve, une illusion toute puissante, ne régnait pas aussi, et déjà sur ce tout primordial, dont l'autre nom est ce rien où nous retournerons et que, dans notre folie, nous appelons le néant. C'était Pages arrachées à Jean d'Ormesson, avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balul. Cinquième partie, Dieu. Extrait de Comme un chant d'espérance, paru aux éditions Gallimard. Musique originale, Sébastien Quincé. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Martin Delafosse. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Baptiste Guiton.